excitant. Thank you. souffrances du passé. Thank you. Let's create something. Let's be fun. Soyons situationnistes. N'oublions pas le passé. Restons éveillés. N'oublions pas le passé. Ouais, c'est ça. Oh, des Français. C'est cool, les gars. Merci beaucoup. Ouais, non, mais merci vraiment beaucoup. Tellement ressourçant de rester ici et maintenant. Allez, lance un truc. Et on suit. Et on crée. Yes, we need a drummer. Allez, ben on part sur. Alors c'est quoi le titre? Putain, je cherchais les paroles. Oh là là là là, les words. Filez-moi le titre de la chanson. Oh là là là là, les words. J'arrive pas à trouver. Parce qu'après moi j'improvise mais sur un truc connu. Il me faut les paroles. Salut Pierrot. Bienvenue. Vous l'avez pas non plus. C'est pas grave. Allez, on y va. Allez, Ed. Personne ne l'a en fait. Moi non plus. Ben c'est pas grave, ben on fait du yaourt. Non mais sinon on fait autre chose, hein. Ouais. Moi je peux pas faire une belle voix si vous me ouais non exactement. Ça, c'est bon. conséquent. Croire à ce que nous sentons. Envoyer le mensonge dans les cordes. Forcer la porte.